Le testament par Marie Écart. Il était à peu près minuit. Monsieur de Langeais passa dans l'appartement de sa femme. « Vous ici à 7 heures ?» s'écria madame de Langeais avec un étonnement mêlé de quelque effroi. « Êtes-vous malade, monsieur ?»« Je ne me suis jamais mieux porté, » répondit monsieur de Langeais. « Vous avez donc appris quelque chose de fâcheux ?» dit la jeune femme. « Non, madame. Je suis heureusement sans mauvaise nouvelle. » Vous savez d'ailleurs que mon amitié pour vous se plairait à vous les cacher. » En parlant ainsi, M. de Langeais s'assit dans un fauteuil, et d'un signe, il renvoya la femme de chambre. De sa femme. M. de Langeais avait dépassé la soixantaine. Petit et maigre, c'était un vieillard un peu valétudinaire, mais encore actif et dispo. Homme spirituel et bon, ses petits yeux vifs avaient conservé le feu de la jeunesse, et ce fut avec une pointe d'ironie, habituelle chez lui, qu'il dit à sa femme « Je vous dérange ? J'ai pris un mauvais moment, madame, pour venir chez vous. Pardonnez-le-moi. Vous êtes si gravement occupée le jour que j'ai cru bien choisir. » Madame de Langeais ne répondit qu'en obéissant à son mari et en se plaçant près de lui, rougissant et pâlissant tour à tour. Ce que M. de Langeais ne manqua pas de remarquer. Et en considérant la jeune et belle figure qu'il avait devant lui, ses droits, son âge et leur avancée de la nuit, il crut comprendre la cause de l'étonnement inquiet de madame de Langeais. « Je ne vous demande qu'une heure, madame. Une heure de conversation, pas davantage. » se hâta-t-il de dire avec bonté. « Vous avez 26 ans, madame, » ajouta-t-il, « et moi je serai facilement votre grand-père. Mon mariage avec vous, ridicule aux yeux du monde, ne l'est pas cependant pour ceux qui en connaissent les motifs, et vous les savez mieux qu'une autre, Clémence. « Monsieur, » murmura la jeune femme en baissant les yeux, « jamais aucune plainte, ni aucun retour sur le passé. »« Ah, je le sais bien, ma bonne amie, » s'écria le vieillard. « Il n'y a pas non plus le moindre reproche dans mes paroles. Vous êtes la meilleure créature que j'ai jamais connue. Et si je rappelle ces souvenirs, c'est parce qu'ils me sont doux et précieux. Il y a 10 ans, vous aviez alors 16 ans à peine, votre père, hélas, je l'ai vu naître, vous parla le premier de m'épouser. Il était alors mortellement atteint de la maladie à laquelle il a succombé. Et sa fortune était dérangée. Vous ignoriez ces deux circonstances, et vous les apprenez aujourd'hui seulement, n'est-il pas vrai ? Comment ? Dit Clémence. Mon père n'était pas riche. Il n'a laissé que des dettes que j'ai acquittées, dit M. de Langeais, et cependant, à la proposition de votre père, vous sautâtes de joie. Vous parûtes enchanté d'épouser un homme que vous connaissiez depuis votre enfance, et que vous appeliez votre bon ami. J'allais alors vous trouver. Je vous dis que je vous aimais de tout mon cœur et que je serais ravi de vous donner mon nom. Mais en même temps, je vous mis sous les yeux mon extrait de naissance. Je vous fis voir de combien j'étais plus âgé que votre père lui-même. Et comme vous ignoriez votre position, comme vous pensiez être riche, ce fut librement et par choix que vous devintes ma femme. Votre père sentait qu'il allait mourir, et en vous donnant à moi, il quittait ce monde sans souci pour sa fille unique. Vous m'aimiez, vous étiez heureuse de ses noces, qu'eussent effrayé toute autre jeune fille, mais moins belle et moins jeune que vous ne l'étiez alors. Moi, j'éprouvais pour vous un sentiment qui m'aurait effrayé, si je n'eusse vu votre amitié et votre amour. Je dois, Clémence, à ces circonstances réunies, 10 ans de bonheur, les 10 années les plus heureuses de ma vie. Ah, monsieur, qu'y a-t-il ? S'écria madame de Langeais tout émue. Pourquoi revenez-vous ainsi sur le passé ? Je ne nie rien, monsieur, je me souviens de tout. Permettez, madame, reprit le mari. C'est pour vous remercier de votre amour pour moi que je viens ici. C'est même pour m'excuser d'une faute, ajouta-t-il avec un petit sourire bienveillant. Vous, monsieur, vous seriez coupable envers moi ? Oh non, monsieur, jamais. Vous me pardonnerez, madame, vous allez voir. Monsieur, monsieur, vous avez toujours été trop bon pour moi, et il est impossible. Laissez-moi finir, madame, reprit le mari. Vous êtes la plus généreuse et la meilleure des femmes. Moi, monsieur ? Oui, vous, madame. Et l'oubli complet où vous vivez de vos intérêts en est la plus grande preuve. Je suis riche, et quand votre père vous a donné à moi, c'était pour que cette richesse vous revînt un jour. C'est là la condition patente ou tacite de tout mariage entre une jeune fille et un vieillard. Je me suis engagé à vous enrichir, non par aucun contrat, non par aucune parole. Votre père avait trop de délicatesse pour rien exiger de pareil. Mais je m'y suis engagé d'honneur. Eh bien, cette condition jusqu'à hier, je ne l'avais pas rempli. Et que seriez-vous devenu, grand Dieu, si la mort m'eût surpris subitement ? Ma famille entière se serait jetée sur mon héritage, et comme dans notre contrat de mariage, je ne vous avais assigné aucun douaire, on vous aurait fait quitter cet hôtel, on vous aurait dépouillé de mes terres, de mes contrats, de vos bijoux même. La veuve de Langeais, pauvre et nue, aurait plaidé vainement pour obtenir une pension alimentaire. Voilà mon crime, madame. Crime que votre générosité naturelle vous a empêché même de soupçonner, mais que je n'en ai pas moins commis. Monsieur de Langeais tira alors de sa poche un paquet cacheté et le remit à sa femme. « Tenez, madame, lui dit-il, ceci est à vous, c'est mon testament. Que ce mot ne vous épouvante pas. Jamais dispositions pareilles n'ont fait mourir un testateur. Je vous fais mon héritière universelle, d'abord parce que je le dois, ainsi que je viens de vous le dire. Ensuite, parce que lors même que je ne vous devrais rien, lors même que vous seriez riche, je vous donnerai encore cette marque d'attachement et de reconnaissance, parce que vous m'aimez et que moi je n'aime que vous au monde. Pauvre vieillard, sans vous j'aurais vécu et je serais mort isolé, livré au vœu homicide d'un neveu libertin, à la domination d'un balai de chambre ou aux soins intéressés d'une femme de charge. Vous, vous n'avez pas songé à vos droits les plus légitimes. Vous avez agi avec moi comme si je devais être immortel, ou du moins comme si je devais vivre plus longtemps que vous. Et cependant, c'est moi qui suis le vieillard. Vous, vous êtes la jeune femme, et mes cheveux blancs, vous les avez respectés. Vous avez été jalouse de ma bonne renommée. Cet amour que vous aviez pour moi il y a 10 ans, vous l'avez toujours. Vous avez été comme une fille qui garde avec soin l'amour et l'honneur de son père, qui, jeune, belle, courtisée, dédaigne les plus beaux cavaliers et demeure fidèle à un vieux mari. Oui, Clémence, voilà ce que vous avez fait. C'était votre devoir. Supposez même que vous ayez eu la pensée de vous en écarter, ce serait vous calomnier. Et c'est cela même qui me rend plus coupable envers vous. En ne vous assurant ma fortune qu'aujourd'hui seulement, il semble que j'ai voulu vous imposer 10 ans d'épreuve. Au nom du ciel, Clémence, n'ayez pas une pensée semblable. Mais mon Dieu, Clémence, vous vous attendrissez, vous pleurez. Allons, séchez ces larmes, embrassez-moi et bonne nuit. Monsieur de Langeais se leva. Il s'approcha de sa femme et déposa sur son front un baiser. Ce front était glacé comme s'il eût été de marbre. « Qu'avez-vous, madame? Vous vous trouvez mal ?» Le vieillard voulait atteindre le cordon de la sonnette pour appeler du secours. La jeune femme le retint et se jeta à ses pieds. « Ah, monsieur, s'écria-t-elle, vous ne savez pas à qui vous venez de parler. Je ne mérite ni vos bienfaits ni vos éloges. Je vous trahis, monsieur, je vous déshonore. Si vous ne fussiez pas venu chez moi cette nuit, mon bon ange m'abandonnait. » « Que dites-vous, madame? Relevez-vous, je vous prie. » Madame de Langeais se releva, en effet, puis elle prit le testament et le mit en pièces. « Je ne veux rien, monsieur, je ne mérite rien, » dit-elle. « Veuillez vous asseoir, madame, » reprit le vieillard. « Je n'ai plus ni la force ni le courage d'être violent, et vous me connaissez assez pour ne pas me craindre. Vous avez un amant. Voyons, madame, répondez. Vous en avez trop dit pour ne pas achever. Avez-vous un amant, madame? Non, monsieur. Eh bien, Clémence, que signifient ces pleurs et ce désespoir? Prenez-vous plaisir à m'effrayer, à me désoler? Séduite, monsieur, séduite. Déshonorée, madame? Non, monsieur. Mais encore une fois, séduite. Regardez cette pendule dont l'aiguille a déjà dépassé 1 heure, et s'achemine si rapidement vers l'heure qui suit. Eh bien, quand cette aiguille aura achevé le chemin si court qu'il reste à faire jusqu'à l'heure prochaine, quelqu'un... Votre amant va venir, madame? Il ne l'est pas encore, monsieur. Le ciel permet que, lié à un homme aussi bon et aussi généreux que vous l'êtes, je puisse encore lever les yeux sur lui. Cependant, je suis coupable. Cette femme que, dans votre sollicitude, vous dotiez de tous vos biens, comptait sur votre sommeil et sur l'éloignement de votre appartement pour vous trahir. Au moment où vous vous dirigez chez elle avec l'acte qui devait l'enrichir, elle comptait les instants qui lui restaient encore avant de vous tromper et peut-être les trouvait-elle longs. Vous l'aimez donc bien, madame? Après l'aveu que je viens de vous faire, que penseriez-vous de moi si je ne l'aimais pas? Si je vous trahissais par caprice ou par fantaisie? Oui, je me souviens de 10 ans passés. J'étais enfant alors et je vous aimais. Eh bien, ce sentiment que j'éprouvais pour vous, je l'éprouve toujours. Ce qui m'a séduit dans la personne qui allait me rendre coupable, c'est autre chose. N'allez pas croire que je veuille m'excuser, non. J'ai senti ma faute. J'ai compris que j'allais violer mes serments, vous livrer à la risée. Peut-être la pitié de celui que j'aimais. J'ai combattu longtemps, mais quelque chose de plus fort que ma raison m'a poussé. Ah, monsieur, demain matin, dans quelques heures, que j'aurais été malheureuse, je n'aurais pas osé vous aborder. lever les yeux sur vous eût été au-dessus de mes forces. Cependant, quand vous êtes entré chez moi, j'ai cru que vous étiez instruit et j'étais disposé à tout nier. C'était facile. Eussiez-vous même voulu passer la nuit dans mon appartement, car j'ai une confidente. Votre femme de chambre, dit M. de Langeais, qui est en sentinelle dans votre escalier dérobé et qui renverra la personne que vous attendez. Oui, monsieur. Mais, continua Madame de Langeais, quand j'ai vu que votre confiance était entière, quand vous m'avez parlé de vos cheveux blancs que j'étais sur le point de déshonorer, alors mon cœur s'est brisé. J'ai rougi de moi-même. Vos éloges m'ont fait mal. Votre reconnaissance m'a déchiré l'âme. Enfin, ce testament, ce prix d'un amour trompé, d'une vertu qui allait succomber, ce testament, il m'a semblé que l'accepter serait un vol. Peut-être, et Dieu le veuille, monsieur, vous vivrez plus que moi. Mais dans tous les cas, on ne doit pas hériter de ceux qu'on a trahis. Il ne faut pas qu'une main coupable s'arroge le prix réservé à la vertu. J'ai donc cru devoir parler, ne fût-ce que par probité. Maintenant, monsieur, chassez-moi de votre présence. Éloignez-moi de vous. En quelque état que vous me réduisiez, en quelque lieu que vous m'ordonniez de cacher ma faute, j'obéirai sans murmurer. Il y a des maris qui croient pouvoir sans honte pardonner une faute commise. Votre rôle est plus facile, si vous voulez être indulgent. Je suis pur. Le cœur seul a succombé, la tête seule affaiblie. Vous le voyez, monsieur. Ma franchise doit être un gage pour vous. Quelle est la femme qui avoue une faiblesse qu'elle veut commettre ? Monsieur de Langeais leva les yeux sur la pendule et il tira le cordon de la sonnette. La femme de chambre parut. « Une personne, lui dit-il, doit venir cette nuit chez Madame de Langeais. Et c'est vous qui êtes chargé de l'introduire ? Oui, monsieur. Cette personne s'est-elle présentée ? Pas encore, monsieur. C'est juste, dit le mari. L'heure n'a pas encore sonné. Quand elle se présentera, vous la ferez entrer. Oui, monsieur. Que voulez-vous faire, monsieur ? S'écria la jeune femme quand la femme de chambre fut partie. « Voulez-vous exposer votre vie ou seulement prolonger ma honte et mon supplice ?»« Ni l'un ni l'autre, madame. »« Ah, monsieur, je vous en supplie. Ne me faites pas mourir de honte et de douleur. Épargnez votre femme, quelque coupable qu'elle soit. »« Songez, monsieur, que je porte votre nom, que tout ceci peut être enseveli dans l'oubli le plus profond, si vous le voulez. Cet homme, je ne le verrai de ma vie. Je ne l'aime plus, monsieur, je vous assure. »« Vous me pardonnerez, madame. Vous l'aimez encore ?» Vous savez qu'il est jeune, beau, vous le savez amoureux, et vous le croyez dévoué. Vous l'aimez encore, vous dis-je. Monsieur, épargnez-moi. Ne permettez pas que mon regard rencontre encore une fois le sien. Vous ne le verrez pas, madame, répondit le mari. Il vous est loisible de passer chez moi, ou de vous cacher dans ce cabinet d'où vous pourrez tout entendre. La pendule sonna 2 heures. Choisissez, madame, dit le mari d'un ton impérieux. Madame de Langeais baissa la tête et passa dans un cabinet dont elle repoussa la porte de manière à tout entendre et même à tout voir. Le tintement de l'heure vibrait encore dans l'air, qu'un jeune homme se précipita dans l'appartement, avec cette pétulance d'un amant heureux qui arrive enfin au port et dont le premier mouvement est de se jeter aux genoux de la beauté que son amour et son audace ont captivée. Peu s'en fallut qu'il ne s'empara de la main de M. de Langeais pour la porter à ses lèvres. Dès qu'il s'aperçut de son erreur, il fit un pas en arrière. Les femmes de chambre ont quelquefois 2 mètres, monsieur. Ils sont alors à celui des deux qui les paye le plus. Celle de Madame de Langeais m'est dévouée. La garde d'une femme est difficile, monsieur. Votre présence ici en est la preuve, et je ne suis plus assez jeune pour me fier à mon mérite seul. Monsieur, je vous proteste, dit le galant désappointé. Il est inutile de rien nier, monsieur. Je sais tout. Ma femme n'est plus ici. Je l'ai soustraite à vos poursuites, et c'est tout simple. Ce qu'il est moins, c'est que je vous reçoive à sa place. À mon âge, un mari évite la rencontre d'un amant aussi audacieux que vous l'êtes. Il est trop vieux pour se venger. Monsieur, dit le jeune homme, je suis confus de vous rencontrer. Ce n'est pas vous que je cherche, je l'avoue. Mais cette femme de chambre qui m'a trahi a dû tout vous dire. Tout, monsieur, répliqua M. de Langeais. Vous savez alors que madame, votre femme, n'est pour rien dans ce rendez-vous. Elle ignorait tout. Et ma présence l'aurait aussi surprise pour le moins que la vôtre m'a étonné. Non, monsieur, ma femme savait tout. Il y a plus, monsieur. Ma femme vous aime. Monsieur, veuillez croire que je n'ai pas ce bonheur. Vous l'avez, monsieur, et c'est ce qui m'a décidé à vous laisser pénétrer jusqu'ici. Si j'avais 20 ans de moins, vous ne sortiriez pas vivant. mais l'âge amortit les passions. Il fait considérer les choses avec plus de calme et de sens qu'on ne le faisait dans la jeunesse. On rend justice à soi-même et aux autres, chose que ne font pas les gens passionnés. Pour moi, monsieur, depuis que je sais l'amour de ma femme et le vôtre, j'ai réfléchi. Que ferais-je? Je suis vieux. J'ai des cheveux blancs. Il sera facile à de jeunes gens comme vous de tromper ma vigilance et d'endormir ma jalousie. Plus je serai inquiet et soucieux, plus je serai ridicule et odieux à ma femme. Je n'ai pas la force d'accepter ce rôle. Et si vous êtes honnête homme, vous devez souhaiter que je ne l'accepte pas. Épargnez-vous donc tous les deux la peine de me tromper. Passons par-dessus la loi. Quand on ne peut pas délier un nœud, on le brise. Enlevez ma femme. Monsieur, hésiteriez-vous? Continua M. de Langeais. Mais vous adorez Mme de Langeais. Depuis que vous lui faites la cour, vous lui répétez sans cesse, du moins c'est le langage des amants, qu'elle est jeune, qu'elle est belle, que pour l'obtenir vous donneriez votre vie. Vous ajoutez sans doute que le ciel n'est pas juste d'avoir lié tant de jeunesse et de fraîcheur à un vieillard balétudinaire qui ne peut ni la comprendre ni l'aimer. Ce vieillard vous l'abandonne. L'Italie, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, le Nord et le Midi, l'univers vous offre mille asiles où vous pourrez vous aimer librement. Il vous suffira de changer de nom pour vous mettre à l'abri de l'opinion. D'après ce que je vous dis, vous comprenez que je ne vous poursuivrai pas. Vous pouvez partir ce soir même. J'ai reçu ma femme sans dot, je vous la rendrai telle que je l'ai reçue. Il n'y aura ni bruit ni scandale. Je dirai à mes amis que ma femme habite une de mes terres. Au bout d'un an ou deux, je prendrai le deuil, elle sera morte. Paris est si indifférent et si oublieux que personne ne recherchera la vérité. Encore une fois, vous pouvez partir demain, cette nuit, si vous voulez. Comment, monsieur? Vous restez froid et muet? Vous ne vous jetez pas dans mes bras? Vous ne me remerciez pas avec des larmes de reconnaissance? Et que veniez-vous donc faire ici? Non content de me tromper moi, vous trompez encore celle que vous vouliez séduire? Vous n'aimez donc pas ma femme, monsieur? Vous n'êtes donc pas un homme amoureux, mais tout simplement un malhonnête homme, qui trouviez commode apparemment d'avoir un vieillard à outrager, une femme à déshonorer, sans perdre ni sa position, ni la possibilité de porter demain ailleurs un amour égoïste, lâche, qui s'attache à un vieillard, parce qu'il croit pouvoir l'outrager avec impunité, mais qui aurait reculé devant un amour dangereux. Si M. de Langeais eût été de son âge. Non, monsieur, non, je n'ai point payé de femme de chambre. Celle qui m'a tout dit, c'est ma femme elle-même, qui, fascinée un moment, a cependant compris ce qu'elle se devait, et ce qu'elle me devait à moi-même, et qui n'a pas voulu payer un moment d'imprudence par le malheur de toute sa vie. Si vous ne m'en croyez pas, vous l'en croirez sans doute elle-même. En parlant ainsi, M. de Langeais ouvrit la porte du cabinet, et le sourire amer de la jeune femme acheva de confondre le séducteur. Maintenant, dit M. de Langeais, en s'adressant à sa femme, « Vous n'y songerez plus, vous ne le regretterez plus, vous ne l'aimerez plus, vous le mépriserez. » L'époux pardonna. Le testament fut fait de nouveau, sans qu'on y changeât une seule disposition. Madame de Langeais est devenue une veuve et une riche veuve. On ne sait si elle se remariera, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle n'épousera jamais celui qui avait voulu la séduire. Ainsi s'achève le testament par Marie Écart.